Il fut à la fin décidé que la nation entière entreprendrait l'œuvre de vengeance. On ne doutait pas qu'un seul champion ne suffît pour l'accomplir. Mais, comme on avait à combattre un ennemi public, tous réclamèrent une part de ce glorieux triomphe. Des débats s'élevèrent sur la question de savoir si l'honneur national n'exigeait point qu'on envoyât un héros, une trompette à la main, pour se placer devant Hercule, et, après un appel éclatant, le défier au combat par une proclamation rédigée en termes sacramentels. Mais deux ou trois pygmées vénérables et pleins de sagacité, expérimentés dans les affaires politiques, furent d'opinion que les hostilités étant déjà entamées, le droit et la loyauté permettaient d'attaquer l'ennemi par surprise. En outre, une fois réveillé et remis sur ses pieds, Hercule pouvait leur causer des pertes considérables, avant d'être renversé par le choc de leur bataillon. Ces sages conseillers ne manquèrent pas de faire observer que la massue était réellement énorme, et qu'en tombant sur le crâne denté, elle avait produit un retentissement pareil à celui de la foudre. En conséquence, les braves patriotes résolurent de mettre de côté tout scrupule de délicatesse et d'assaillir leur adversaire sans autre formalité. Tous les hommes de la nation en état de porter les armes se levèrent donc en masse et marchèrent hardiment contre Hercule. Celui-ci, plongé dans un calme sommeil, rêvait peu à l'attaque dont il était menacé. Un corps de 20 000 archers formait l'avant-garde, tenant en main leurs arcs tout bandés, avec les flèches posées sur les cordes et prêtes à partir. Un nombre égal de guerriers avait ordre de grimper sur l'ennemi, les uns armés de sabres pour lui crever les yeux, les autres chargés de balles de foin ou d'objets recueillis de tous côtés et destinés à être introduits violemment dans sa bouche et dans ses narines, pour paralyser en lui les organes de la respiration. Il fut impossible à ces derniers d'exécuter le mouvement ordonné. Le souffle de l'ennemi était si violent qu'à mesure qu'ils approchaient de son nez, les ouragans semblaient se déchaîner et les renversaient les uns sur les autres dans une confusion extrême. On fut donc obligé d'imaginer un autre plan d'attaque. Les chefs se réunirent en conseil et commandèrent à leurs troupes de ramasser des morceaux de bois, de la paille, des herbes sèches, toute espèce de matière combustible, et de les amonceler autour de la tête d'Hercule. Comme plusieurs milliers de soldats employèrent leur activité à cette tâche, ils parvinrent à rassembler en tas plusieurs boisseaux de débris faciles à brûler et en composèrent une élévation dont le sommet se trouvait exactement de niveau avec la face de leur victime. Cependant, les archers se tenaient à la portée convenable, avec ordre de tirer sur Hercule au moment où il commencerait à remuer. Tous les préparatifs ainsi combinés, une torche fut approchée de l'immense bûcher, et aussitôt les flammes environnèrent l'étranger. L'incendie était suffisant pour le consumer, s'il eût consenti à demeurer immobile. Un pygmée, vous le savez, malgré sa petitesse, peut aussi bien embraser le monde que le plus formidable géant. C'était certainement le moyen le plus habile d'en finir tout d'un coup avec cette guerre, à la condition toutefois de maintenir l'ennemi sans mouvement au milieu de la conflagration. Mais celui-ci n'eut pas plutôt senti la première atteinte de l'incendie qu'il se leva en sursaut, la chevelure en feu. « Qu'est-ce à dire ? » s'écria-t-il à moitié engourdi par le sommeil, et regardant autour de lui comme s'il se fût attendu à voir un nouveau géant. Au même instant, les 20 000 archers décochèrent leurs traits, qui vinrent en sifflant comme une nuée de moustiques s'abattre sur la face d'Hercule. Mais, où je me trompe fort, une douzaine tout au plus produisirent une piqûre sensible, car Hercule avait la peau remarquablement dure. La peau d'un héros, vous ne l'ignorez pas, a besoin d'offrir une certaine résistance. Scélérat ! Crièrent les pygmées tous à la fois. Tu as tué le géant hanté, notre puissant frère, et l'allié de notre nation. Nous te déclarons une guerre à outrance, et tu vas ici même tomber sous nos coups. Après avoir éteint l'embrasement de sa chevelure, Hercule s'arrêta un peu surpris en entendant monter à ses oreilles toutes ces voix frêles et criardes. Il regarda autour de lui, mais ne put rien apercevoir. À la fin, cependant, il abaissa les yeux et découvrit à ses pieds une quantité innombrable de pygmées. S'étant penché jusqu'à terre, il prit le premier venu du bout de son doigt, le mit sur la paume de sa main gauche et le tint à une distance convenable pour l'examiner. C'était par hasard le pygmée qui avait débité sa harangue sur le sommet d'un champignon et qui s'était offert pour défier Hercule dans un combat singulier. « Mais, mon petit camarade, s'écria le héros, qui êtes-vous donc ?»« Je suis ton ennemi, répondit le valeureux Pygmée, de toute la puissance de sa petite voix aigre. « Tu as tué le grand Anté, notre frère maternel, et pendant des siècles, le fidèle allié de notre illustre nation. Nous avons tous résolu ton trépas, et pour ma part, je te défie au combat sans plus tarder, et à armes égales. » Hercule trouva si plaisant les grands mots et les gestes héroïques de ce nouveau champion qu'il éclata de rire de toutes ses forces, et peu s'en fallut qu'il ne laissa tomber la pauvre petite créature de sa main dans l'explosion de son hilarité. Sur mon honneur, je m'imaginais avoir vu bien des merveilles jusqu'à ce jour. Des hydres à neuf têtes, des biches à cornes d'or, des hommes à six jambes, des chiens à triple gueule, des géants avec des fournaises ardentes dans la poitrine, et je ne sais quoi encore. Mais voici que je tiens dans ma main un prodige qui efface tout ce qu'il y a de plus incroyable. Votre corps, mon petit ami, est environ de la longueur du doigt d'un homme ordinaire. Je vous prie, dites-moi, quelle peut être la dimension de votre âme ? Mon âme est aussi grande que la tienne, répliqua le Pygmée. Hercule, touché de l'intrépidité du petit homme, ne put s'empêcher de reconnaître qu'un lien de fraternité les unissait l'un à l'autre, comme un héros à un autre héros. « Mes bonnes petites grues, » dit-il en faisant un profond salut devant la grande nation, « je ne voudrais pas pour tout l'or du monde causer le moindre mal à des braves tels que vous. Vos cœurs me paraissent si grands que, sur ma parole, je me perds à penser comment vos corps si menus peuvent les contenir. Je vous demande la paix. Pour première condition, je ferai 5 pas en avant, et je serai au 6e hors de votre royaume. Adieu, je ferai mes pas avec la plus grande précaution, de peur d'écraser sans le savoir 50 de vos compatriotes. Ha ha ha, oh oh oh. Ajoutons un seul mot, Hercule se reconnaissait vaincu. Quelques historiens racontent que le dompteur de tant de monstres recueillit la race entière des Pygmées dans un pli de sa peau de lion et les emporta en Grèce pour servir d'amusement aux enfants du roi Eurysthée. Mais ce récit est erroné. Il les laissa tous, sans exception, sur leur propre territoire, où, autant que je puis vous l'assurer, leurs descendants existent toujours, continuant à bâtir leurs petites maisons, à cultiver leurs petits champs, à châtier leurs petits enfants, à livrer leurs petites batailles aux grues, à faire leurs petites affaires, et à lire leurs petites histoires des temps anciens. Probablement que dans ces histoires, il demeure bien constaté, entre autres faits authentiques, que les vaillants Pygmées, il y a un grand nombre de siècles, ont vengé la mort du géant Anté en terrifiant et en mettant en fuite le puissant Hercule. Ici se termine Les Pygmées du Livre des Merveilles, partie 2, de Nathaniel Hawthorne.